Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Certaines enquêtes sont tout simplement inoubliables. Je ne sais pas pourquoi, elles commencent toujours chez Happy Nouille. Il y a quelques semaines, je me sentais un peu patraque. Et pour cause, j'avais attrapé un bon gros rhume. Avant de rentrer chez moi me rouler sous ma couette, je suis passée prendre une délicieuse soupe chaude chez Happy Nouille. En fait, non. Je ne vais pas te mentir, je voulais boire un petit whisky. Bah oui, pour chasser les microbes. À mon visage couleur fraise et mon nez en forme de chou-fleur, Jimmy a tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Bah dis donc, Laure, tu as vraiment une drôle de tête. Comment ça va? Bah, écoute... pas berbéeux. J'ai le rhume. Comment? J'ai dit... pas berbéeux. J'ai le rhume. Mais articule, bon sang, je ne comprends rien. Oh, le coquinou! Il était en train de se payer ma tête! Si tu es malade, a-t-il ajouté avec son air malicieux, fais comme les Assyriens en Mésopotamie. Appelle le démon Pazuzu. Hein? Quoi? Comment? Les Assyriens? La Mésopotamie? Et puis, mais... bah, qui c'est ça, Pazuzu? Le temps que je pose la question, Jimmy avait filé. Quel incroyable petit bonhomme! Il en sait des choses! En rentrant chez moi, impossible de chasser ces mots de mon esprit. Je n'arrêtais pas de me répéter cet étrange nom. Pazuzu, Pazuzu, Pazuzu! Ma curiosité était piquée au vif. Je voulais en savoir plus. Hélas, assaillie par la fièvre, je me suis écroulée dans mon lit. Cette nuit-là, j'ai fait un drôle de rêve. Laure. Laure. C'est moi. Pazuzu, le roi des démons. Mi-animal, mi-humain. J'ai une tête de chien et deux paires d'ailes immenses. Mon corps est recouvert d'écailles. Mes crocs sont pointus. Je traîne derrière moi une queue de scorpion et je rugis comme un lion. Oui, c'est exact. J'ai l'air d'un monstre et c'est tant mieux. Gare à vous, petit mortel, car ma puissance est immense. J'arrive de loin, poussé par des vents terribles. Et je fais trembler les montagnes. Mais si vous me révérez comme il faut, si vous me priez assez bien, alors... je vous protégerai. Je peux vous aider à guérir, car j'ai le pouvoir de chasser les démons qui apportent les maladies. C'est moi, Pazuzu. Au petit matin, étrangement, la fièvre avait quitté mon corps. J'avais retrouvé toutes mes forces. Alors comme ça, Pazuzu, tu viens me visiter en rêve? J'ai pensé en croquant dans mon croissant. Eh bien, soit. À nous deux, vieille canaille. Une seconde plus tard, je commençais mon enquête. Attention, notre périple s'annonce mouvementé. Nous allons remonter le temps, nous allons traverser le monde et affronter les forces du mal. Là où nous nous rendons, je te préviens, il n'y a pas de ticket retour. Comment? Tu frissonnes? Mais enfin, tu le sais bien, s'approcher des ténèbres n'est jamais sans danger. Voici l'Odyssée de Pazuzu, le roi des démons qui avait choisi de protéger les humains. Ah! deux des plus fascinants fleuves du monde s'appellent le Tigre et l'Euphrate. Au Moyen-Orient, depuis des millénaires, ils sillonnent les plaines et les montagnes d'un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Cette région, autrefois, portait le nom de Mésopotamie. Pour beaucoup, c'est le berceau de l'humanité. Entre ces deux fleuves majestueux sont nées les plus anciennes civilisations que nous connaissons. Ici, les humains ont inventé l'écriture, l'agriculture et la roue. Ils cultivaient le blé, ils élevaient des moutons, des chèvres, des poulets. Ils ont aussi construit de somptueux palais et surtout, les toutes premières villes du monde. Tout au nord de la Mésopotamie, il y a près de 3000 ans, s'est développé le grand, le puissant empire assyrien. Les Assyriens sont de vaillants combattants. Leur armée est redoutable. Mais c'est aussi un peuple très religieux. Pour eux, le monde est tout entier gouverné par des dieux. Le ciel, les étoiles ou encore les eaux souterraines, ils sont à l'origine de tout cela. Certains sont très puissants, d'autres un peu moins. Une chose est sûre, ils sont très nombreux. Et ils ne sont pas les seuls. Entre les dieux et les humains rôdent également des démons. Hommes poissons, hommes scorpions, hommes taureaux, tous sont de curieux mélanges. Oh, ils ne sont pas beaux à voir. Cela dit, qu'est-ce que ça peut faire? Ils s'en fichent. Pour eux, c'est tout bénef. Et oui, ils combinent ainsi plusieurs pouvoirs, ce qui les rend absolument redoutables. Lorsque les dieux sont en colère, parce que les humains ont fait des bêtises, par exemple, ils les envoient sur Terre, faire rugir les tempêtes et répandre des maladies. Le reste du temps, ces créatures maléfiques habitent les enfers, comme notre Pazuzu qui, je te le rappelle, est leur roi. Pour les éloigner, les Assyriens ont inventé des rituels magiques. Ces rituels sont menés par des prêtres. Certains sont de grands savants spécialistes de la lutte anti-démons. On les appelle Washipum. Ce sont des exorcistes. Pazuzu et leurs complices. Entre le roi des démons et les hommes, c'est donnant-donnant. Ils le prient, ils lui font des offrandes, et lui, en échange, les protège. Il fait du sacré bon boulot. Les Assyriens l'adorent. Ils le portent en médaille autour du cou, ils en font des broches et des statuettes qu'ils placent à l'intérieur de leur maison pour assurer leur protection. Pazuzu par-ci, Pazuzu par-là, le roi des démons est partout et... ouh, ça lui plaît pas mal. Je le comprends. Qui n'aimerait pas être vénéré par les humains? Grâce à ses quatre ailes, Pazuzu vole et virevolte dans les rues de Khorsabad, la somptueuse cité du grand roi, Sargon II. Khorsabad est une petite splendeur, un bijou d'argile protégé par de hautes murailles. À l'intérieur, on trouve de splendides bâtiments, comme le temple de Nabu, le dieu de l'écriture, mais aussi de grands jardins où poussent de beaux arbres fruitiers et des plantes aux parfums délicieux. Pazuzu ne le reconnaîtra jamais devant les autres démons, mais il est vraiment épaté. Il n'y a pas à dire, pense-t-il très souvent. Les humains s'y connaissent en beauté. Ce qu'il préfère à Khorsabad, ce sont les lamassos, les gigantesques statues de taureaux à tête d'humain, flanquées de deux paires d'ailes. Oh, c'est vrai qu'elles sont extrêmement impressionnantes. Elles gardent le palais de Sargon II et les portes de la ville. Pazuzu est fasciné. Ça, c'est de la créature magique. Si seulement j'avais plus de temps pour les admirer. Hélas, il ne peut pas. Le roi des démons n'a pas une seule minute à lui. Sans cesse, il est appelé par des prêtres pour participer à des rituels d'exorcisme. Chaque fois, ça se passe un peu de la même façon. Au chevet du malade, un prêtre et un exorciste récitent des formules magiques. Ils prient et ils font de drôles de gestes pour demander pardon aux dieux. Pazuzu, de son côté, doit se débrouiller pour chasser les vilains démons. Il agite ses bras et sa queue de scorpion. Il montre ses crocs pointus. Il rugit. Je te rassure, il n'est pas tout seul. Il est aidé par des génies protecteurs. Comme les démons, ces êtres surnaturels sont très puissants. Eux aussi sont des mélanges d'hommes et d'animaux. Ils cumulent plusieurs pouvoirs. Et ainsi se joue, jour après jour, le fragile équilibre du monde. De temps en temps, Pazuzu est appelé pour lutter contre la terrible, la féroce démon, l'Amashtu. Elle est affreuse. Son corps est entièrement recouvert de poils. Elle a une tête de lion et des serres de rapace à la place des mains. Sa fureur et sa cruauté sont sans limite. Non seulement elle rend les humains malades, particulièrement les femmes enceintes, mais elle vole aussi leurs enfants. Oh, absolument terrifiant, n'est-ce pas? Figure-toi qu'elle est l'épouse de Pazuzu. Dis donc, bonjour le couple infernal. Lorsque l'Amashtu se pointe, tous les grands dieux cosmiques rappliquent pour participer au rituel d'exorcisme. Shamash, le dieu du soleil, Sin, le croissant lunaire, et Adad, l'orage, ils viennent tous prêter main forte. Ça finit par faire beaucoup de monde. Par le dieu Ashur, rumine Pazuzu. Contre les prêtres, des génies protecteurs qui montent la garde devant la chambre du malade. Et les dieux, mais on est combien là? Ah, ça se pavane, hein? Ça se pavane! Mais au final, qui va devoir se farcir le plus gros du boulot? C'est Bibi, c'est Papa, c'est Zouzou, c'est pas Zouzou! Oh, le roi des démons exagère. Les dieux cosmiques aident bien quand même. Cela dit, je le comprends. L'Amashtu est une vraie calamité. Alors parfois, il craque. Et puis, elle a de drôles de moyens de transport. Pour se rendre des enfers au monde des humains, la démone voyage sur un âne installé dans une barque. Pazuzu, ça l'énerve. Voyez-vous ça? Madame joue les originales. Et qu'est-ce qu'elle va nous trouver la prochaine fois? Elle fera le trajet à dos de mouton en équilibre sur une roue. Non mais elle se croit où là? On est des créatures magiques tout de même. Un peu de classe, un peu de tenue. Ça ne ferait pas de mal, non? Pazuzu ronchonne. N'empêche, il assure. Chaque fois, il y arrive, il réussit à amadouer son épouse, qui finit toujours, à un moment ou un autre, par quitter les lieux. Évidemment, chacune de ces visites donne lieu à des batailles extrêmement savoureuses. Avec le temps, les humains ont fini par oublier Pazuzu. Heureusement, des milliers d'années plus tard, des archéologues ont découvert des objets et des statuettes qui nous ont permis de retrouver sa trace et celle des démons, des dieux et des génies protecteurs de l'Empire assyrien. Ainsi, les humains des toutes premières civilisations croyaient le monde peuplé de créatures magiques. Comme nous, ils devaient faire face à des menaces terribles, telles les catastrophes naturelles ou les maladies. Ces démons et ces génies reflétaient leurs peurs et leur permettaient de mieux s'en protéger. J'ignore si toi aussi tu crois à l'existence de ces créatures magiques. Mais d'ailleurs, peu importe. La vraie question, la voici. Si tu devais un jour, comme Pazuzu, protéger les humains, quel pouvoir choisirais-tu d'emprunter aux animaux? Enfant lion, enfant scorpion ou enfant aigle? Quelle sorte de génie ou de démon serais-tu? Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Sais-tu que le Musée du Louvre est habité par des créatures magiques? Oui, bon, j'exagère un peu. Il s'agit de statues. Cela dit, qui sait si la statuette de Pazuzu et les Lamassu, les taureaux ailés de Khorsabad, qui y sont exposés, ne prennent pas vie de temps en temps? Pour en avoir le cœur net, tu devrais aller y jeter un œil. Tu les trouveras au rez-de-chaussée de l'aile Richelieu, dans le département des Antiquités orientales. Lorsque tu te trouveras devant les deux Lamassu, qui jadis gardaient les portes de la ville de Sargon II, regarde bien leurs pattes et compte. Tu verras, ils en ont 5. C'est une petite astuce qui permet de les représenter à deux allures. Au repos, lorsqu'on les regarde de face, au pas, lorsqu'ils nous apparaissent de profil. Oh, épatant, les artistes assyriens, n'est-ce pas ?